Uyuki, uyuki, uyuki yango. Chenene, manguna bayokie. Le beau gosse de Yaoundé. Tout puissant, Tamba Sunga. chamala A tout puissant Tama Funge A tout puissant A Jonito Yeye A tout puissant Waï waï waï Luterbeck Cash cash cash cash Bibi Daouda Cash cash cash cash cash cash Flavien Johnson Cash cash cash cash cash cash Janou Azé Cash cash cash Awilo Lokumba Viens mon frère, viens mon frère. Tu vois, ça vient quand même. Je dirais merci à vous et merci à Cora. Et je dédie ce trophée à quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le peuple africain, qui a fait en sorte que aujourd'hui on se retrouve ici ensemble. Sans distinction de couleur de peau, j'ai dédié ce trophée à M. Nelson Mandela qui est là, Madiba. Just said that he was dedicating this trophy to, of course, Madiba. Thank si you. Je peux me permettre d'aller le saluer parce que c'était toujours mon rêve. Okay. Tu peux dire. He wants to go down, come down to salute you, Madiba. Soit le renouveau pour la fierté et la paix retrouvée en Afrique et partout dans le monde. Kinshasa na Brazza Libreville Ouagadougou Abidjan Debo Sakiliba, Sakiliba, Sakiliba. Réveillez-vous Dakar, Malabo, Douala, Yaoundé. Ambiancez-vous Mata, Mata, Bon, Kwanitina. Hey, hey, Alex au cristal Sergio José Medagbe Lomé Koko Nouba Mako Konakri Abidjan Debou Bazé Bazé Bazé Apolodès Réveillez-vous Niamé Jamena Lagos Morumbia Ambiancez-vous Mata Mata Le roi a perdu sa fait, on va l'arrêter, compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, attrapez. Baba cool. La langue est un fusil chargé. C'est vrai. Attention, n'est pas appuyé sur la gâchette, oh. Kader Ndao. Bébé souris saoulé, on est qu'un refou des chats. Je vais y'a Waka Waka de Yaoundé, on est la puissance. Peut-être de tous les dossiers. C'est bien moi. Maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Rico Merson, le meilleur parmi les meilleurs. Ça c'est sûr. Yeah. Ah bon? Mais écoute, une fois qu'on est venu. Mais moi, la fois, ça fait rouler. La fois, ça fait rouler. Moi, on va pas sauver la vie des enfants. On est venu la maille. On est venu la maille. On est venu la maille. Arrêtez les bruits, arrêtez les bruits. C'est le jour de l'anniversaire. Allez, tout le monde rocker! Anani Mixon, balancez la sauce. Bébé Silla, ouais. Cabinet Yélé à Bamako, ouais. Allez tout le monde, bloqué. 1, 2, 3. On va tous bloquer. 1, 2, 3. J'ai des questions, oh. Ah oui, non, non, bon, bah, pour un faux dossier, montez à Bézélo. Si y avait pas maître Tchunga na souka wapio, grand frère Okuda, Christophe et Foto. Modibo soirée Adama Koité. Gisello, eh? Ah, banguna bayokie. Ah, ah, okamu yambo. Chenene, ba mama balobie. Ah, ah, oyoki yango. Chenene, banguna bayoki. Yeba. Baloba pamba eloko ya pamba chilele aina mama pamba aina eloko ya pamba komi de koloba chilele aina mama pamba okani sali boso eli boso ya kosala chilele aina mama pamba aina eloko ya pamba komi de koloba chilele aina mama pamba okinze mo. Merci beaucoup. Bogote Yaoundé. A tout puissant, Samba Sunga. A tout puissant, Bolino Chamala. A tout puissant, Samba Sunga. A tout puissant, A Chonito Yeye. A tout puissant. Oui, oui, oui. la belle Awana Boka Nelly Moseye Doris et la Congolaise. Ça c'est un faux dossier. Vraiment, c'est un faux dossier. C'est un faux dossier. Alpha Diba na Canada. Merita e. Banoyoyo banana kisama wa banoyo. Bana malelinda e banaye. Banoyoyo banayo. Bana malelinda. Le maréchal Senga, l'homme fort, Souquet Chile, in Zambia. Matimba in Chabasa. Eota. Yaya liba dada la yaye. Una kumungi la mulangwe yaye. Floris la Congolese. Yaya liba dada la yaye. Una kumungi la mulangwe yaye. Vivilando. Yakwe na kwa ye. Igete mboma. Kwa kese. Kigila sika na Beverly. Yakwe na kwa. C'est ça qui charme. Juma Juma C. Papi Kusumbi na kobonde na Apis Mimi la Porsche na kobonde na Mikeo Obi Bishende Kangayawa Mwa Enteo na kobonde la Eko makaka ya kobonde la Eee na kobonde la oh. Ngayawa Mwa Enteo ya kobonde la Mupara para na kobonde la Na kobonde la oh. Ngayawa Mwa Enteo ya kobonde la Angelina, soki kuna banyokoli yo, yo zonga, yo zonga.

Ne me jugez pas si je l'aime autant. C'est un amour brûlant. Ne me jugez pas si je l'aime autant. C'est ma raison d'être, c'est mon tourment. Ne me jugez pas si je l'aime autant. C'est un amour brûlant. Ne me jugez pas si je l'aime autant. Moi, je suis Je m'appelle China, je suis une fidèle, tu vois, auditrice d'Ah oui. Un de mes succès, ça s'appelle Ah oui, être là-bas, vivre là-bas, juste là-bas, toi et moi, c'est pas une mauvaise idée. Où est Sally? Ah oui. Salut. Ah. Où est Maman, un petit... Bye bye, on vous adore. Chelele, ba mama balobie. Oyoki, oyoki, oyoki yango. Chelele, ah. Banguna bayokie.